à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Late Night Wrestles, le podcast dédié à la WWE avec le hors-série traditionnel qu'on fait chaque année, qui est ce ne sont pas les Awards, qui avait eu un peu plus tôt dans l'année, mais le pré-WrestleMania avec l'analyse de la carte en prévision donc du grand show, Showcase of the Immortals. Et puis ainsi de suite, la plus grande des scènes et compagnie, il y a beaucoup de surnoms, avec deux analystes, vous avez l'habitude ces temps-ci des podcasts à trois, ben, Robelotte, c'est notre chiffre magique, avec Sébastien, salut Seb. Ouais, salut tout le monde, hein. Présent encore une fois ce soir pour ce podcast à trois, j'ai l'habitude, hein. Je fais beaucoup d'Impact Wrestles, mais c'est vrai que pour la WWE c'est assez rare, hein, mais je suis sûr que la qualité va être présent quand même. Et on a Renaud qui lui par contre ouais je sais pas s'il connaît la WWE actuelle mine de rien depuis quelque temps on est vissé en 90 et puis en plus avec le Hall of Fame on n'en sort pas. Salut Renaud. Brossi, Oui. salut Brossi, salut Seb, salut tout le monde. Oui, non, je connais la WWE, je suis bien là. Moi, la WWE, je viens toujours, donc c'est parfait. Et vous écouterez, vous avez peut-être déjà écouté, peut-être déjà le Vintage Wrestle, et vous verrez que on avait annoncé par avance la prochaine intronisation de Scott Hall au prochain Hall of Fame de la WWE. Bon, Razor Ramon plutôt, parce que bon, il est pas trop connu sous le nom de Scott Hall à la WWE, mais oh, quoi que, il va être intronisé comme ça, je pense. Ouais, je pense qu'il est intronisé sous le nom de Razor Ramon, hein, aussi. Et je pense qu'ils ont voulu conserver aussi le nom Scott Hall pour une prochaine intronisation, peut-être la NWO ou les Outsiders avec Nash. Ah, C'est c'est vrai, possible. on a eu le coup avec Flair qui a été introduit deux fois, les Four Horsemen et puis en individuel aussi, donc ouais, c'est possible. Non, mais c'est bien, ouais, c'est vrai que je parlais un peu Hall of Fame parce que bon, c'est quand même un petit peu ce qui va se passer aussi la veille de WrestleMania. Donc voilà, commence avec les légendes, on rappelle donc il y aura Lita, Ultimate Warrior qui fait encore grincer les dents, évidemment, on s'en doutait, Jake Roberts, Carlos Colon, le père de Carlito et de Primo, Mr. T, Paul Bearer, et est-ce que j'en oublie pas? Ben, Razor Ramon. Oui, voilà, déjà dit, voilà. Voilà, donc la liste très belle hein, cette année aussi. Sébastien, d'ailleurs, c'est un petit mot, on sait jamais, voilà. En Oh attendant. non, moi vous savez que je n'ai pas un amour profond envers le Hall of Fame. Hein. Je suis vraiment de très très loin. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de légendes qui sont introduites encore une fois cette année, donc je leur tire mon chapeau, mais bon, moi ça ne me touche pas beaucoup cette cérémonie. Justement, t'en parlais de l'origine du Hall of Fame, et ben on va y venir d'entrée après le theme song, ben, qui est l'officiel parmi les très nombreux theme songs traditionnels de WrestleMania. Il n'y a pas de Kevin Rudolph, je crois. Ça, c'est pour une petite blague aussi dont on parle vintage. Mais là, c'est du Eminem. Voilà, à tout de suite. Et donc de retour pour l'analyse donc de la carte de WrestleMania, ben on va commencer par le match qui serait suspecté logiquement d'être dans le pré-show, un pré-show qui dure 2 heures. Je me rappelle c'était Sébastien qui avait sorti cette info là pendant un enregistrement d'un podcast. C'est quand même Ouais, c'est duré ça. énorme. Il va y avoir beaucoup d'interviews évidemment, de promotion, tout ça, ouais. Et puis Une ben heure une qui battle sera royale, ouais. sur le site officiel, je crois, et la deuxième heure qui sera sur le network exclusivement. Ah ben oui, c'est vrai que c'est le premier pay-per-view de la WWE sur un network. Et bon, il y avait eu le NXT, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment C'est le pas la même gros catégorie test. là. Ah Ah bah ben oui. oui, là on est dans le dôme de New Orleans, en hein, Louisiane. Laissez les bons temps rouler et voilà quoi. Qu'ils ont bien orthographié d'ailleurs maintenant. Donc c'est bien. Non mais c'est bien, ils ont rétabli. Mais on va commencer ben, avec le ressenti de la Andre's Giant Memorial Trophy Battle Royale. 30 hommes, bah il y en a quand même un sacré paquet qui a déjà été désigné. 26 noms connus. Alors allons-y pour les noms. C'est un petit peu fastidieux, mais il faut s'y coller. Et vous verrez le dernier, c'est avec une émotion feinte que je vais, non feinte que je vais le prononcer. Alors, Big Show, Big E, Rey Mysterio, Alberto Del Rio, The Miz, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Darren Young, Zack Ryder, Drew McIntyre, Jinder Mahal, Heath Slater, Mark Henry, Justin Gabriel, Damien Sandow, Titus O'Neil, The Great Khali, Fandango, R-Truth, Sheamus, Brodus Clay, Santino Marella, Christian, Cody Rhodes, Goldust et le dernier, Sin Cara. Eh oui, mais c'est plus le Sin Cara original. Donc là, s'il vous plaît, une petite minute d'émotion. Car le Sin Cara, notre mascotte, bah, il est toujours là, mais le Sin Cara original, lui, n'est plus là depuis officiellement. Aujourd'hui, jour d'enregistrement, on est le jeudi 26 mars. Le 27 plutôt. Le 27, ah ben oui, non, le décalage horaire, ça fait le 26. Petit décalage horaire, d'ailleurs, bah, on va passer à l'heure d'été ce week-end, conseil pratique de Westos Radio. Ben ouais, le Sin Cara original n'est officiellement plus à la WWE, ça fait depuis quelques temps, mais il est encore payé, mine de rien. Voilà, mais bon, c'est bien dommage. Là, on sait que c'est celui qui a interprété Onyko qui est sous le masque, donc moins de conneries forcément, vu qu'il est beaucoup plus habitué, donc voilà. D'ailleurs, est-ce que, d'après vous, c'est lui qui va gagner la Battle Royale? Carrément pas. Bon, bah pourquoi? Bah, aucune chance. Aucune chance, puis en plus, non, c'est pas le gabarit qui va gagner la Battle Royale. Je pense plus, moi, au Big Show. Par exemple. On a de tout. On a les Big, Brodus Clay, Mark Henry, Great Khali, Biggie, Big Show. On a les intermédiaires, bah, à peu près tout le reste. Et on a les plus petits, c'est-à-dire, bah, ouais, Sin Cara, Rey Mysterio, Justin Gabriel, Zack Ryder, Santino, R-Truth, peut-être. Ouais, enfin, en gros, sérieusement, on va pas se mentir. C'est un fourre-tout. Oui, c'est un fourre-tout. Ouais, c'est un fourre-tout avant, d'ailleurs, parce qu'il avait des noms, il les enlevait au fur et à mesure qu'il rajoutait à la carte. Oui, parce qu'on avait eu déjà Cesaro aussi qui devait participer à la base, finalement. Swagger, Ryback, Curtis Axel, oui, compagnie, tout le monde, ouais. Ouais, c'est un fourre-tout. Je pense que la WWE avait tellement fêté le fait que c'est WrestleMania 30 et laisser la joie à tous ces catcheurs-là qui bossent toute l'année d'être à ce show-là, donc elle organise une bataille royale. Maintenant, ça pue le pré-show, hein, tout ça. C'est pas officiel, mais ça pue franchement le pré-show, hein, cette bataille royale. Et ça, je crois pas. Tu crois pas? Je crois pas, absolument pas, hein, parce que je veux dire, à partir du moment où c'est Hulk Hogan qui a annoncé le match, ça a quand même une certaine importance. Et j'imagine bien que Hulk Hogan va participer à WrestleMania en étant en quelque sorte le présentateur peut-être de cette bataille royale, mais je crois pas du tout que ce sera le pré-show, parce qu'il y a quand même des gros noms dans cette bataille royale, hein. Sheamus, Big Show, Christian, pas mal d'autres. Justement, Rio, le fait qu'il y ait quelques gros noms, c'est qu'on sait qu'il y a 8 matchs annoncés, et en général, WrestleMania, il en fait 10-11 matchs. Ben, je vois mal quand même 2-3 de ces noms ne pas faire un autre match aussi dans la soirée. Maintenant, Bruce, on peut avoir des matchs longs. Hein. Remarque, non, t'as peut-être raison, Seb, hein, finalement. Ouais, j'ai pas pensé à ces noms-là, ouais. Alors que Bruce, il les a cités tout à l'heure. Mais... Ouais, après, on verra les quatre. On peut se douter qu'il y aurait du Rob Van Damme, là, qui est annoncé aujourd'hui, info toute fraîche, là, ce jeudi, qui est annoncé lors du à WrestleMania. Mais on peut se douter qu'il peut y être. Ça peut être le facteur X de cette Battle Royale, donc... Il reste combien de participants, là? Jamais. Bah, ça fait 4. Bon, après, bon, j'ai dit Rob Van Damme, mais il a pas été non plus annoncé spécifiquement pour l'instant, donc, ça laisse le champ ouvert à quelques surprises, évidemment. Ça vous emballe, vous, cette Battle Royale? Bah, vu les talents, je dirais oui. Mais, en tout cas, au début, ça va être le bordel, parce qu'une Battle Royale, c'est tout le monde sur le ring, voilà, à la base. Parce que là, on a autant de monde pour le Rumble, que pour un Rumble. Sauf que là, ouais, c'est tout le monde, effectivement. Il y en a qui vont vite dégager, et ce Donc, serait... Il y en a qui vont très vite dégager, oui. Et, si c'est des Fandango, R-Truth, j'ai rien contre eux. L'effet des Free NB, ou, voilà. J'ai rien contre eux, mais bon, voilà. Eux, Great Khali aussi, voilà, après qu'on nous laisse les meilleurs quand même qui puissent montrer quelque chose, même si sur une Battle Royale on voit pas vraiment les qualités in-ring. Par contre, je me demande, j'ai une question que je me pose, parce que j'entends pas mal les commentateurs de la WWE parler de de bataille royale inaugurale pour le trophée André the Giant. Donc je me demande si ce serait pas une tradition qui va revenir chaque année en fait. Ah oui, bah oui. Ah mais bah, il semble que ça soit ça, parce qu'on a déjà eu, enfin, on avait eu à WrestleMania 24, il y avait eu une Battle Royale, c'était pour désigner celui qui allait concourir pour le titre ECW à l'époque, il me semble, et voilà. Après, il n'y a pas eu énormément de cas de Battle Royale, enfin, il y a eu une gimmick Battle Royale à WrestleMania 17, il y a eu de la Battle Royale de Diva aussi, mais c'était pas 30 non plus. D'ailleurs, on verra tout à l'heure que ouais, peut-être va y avoir ce cas qui va se reproduire, donc ouais. C'est possible. Mais le symbole est fort quand même, parce qu'André the Giant, c'est par lui que le fame a commencé. Ouais, puis en plus, là, ils font lancer cette bataille royale par Hulk Hogan, donc c'est tout un symbole aussi par rapport à la rivalité des années 80. Et le main event qu'on a vu à WrestleMania 3. Et en plus, j'y vais encore plus loin. New Orleans, c'est Nouvelle-Orléans, Louisiane, région francophone. Donc, ouais, complètement. Il y a... Ouais, dans le tas, si. Christian, c'est celui qui a le nom le plus, je suis pas contre qui gagne. Voilà. Ça serait cool. C'est mon favori, tiens, allez, allons-y. Favori de cœur, sinon de raison, je dirais, le Big Show, c'est trop évident. Je dirais, Sheamus. Voilà. Ben, justement, on va y passer, comme on va donner un petit peu les principes. Vous pensez qui? Moi, je pense que quelqu'un qui n'est pas encore annoncé dans la bataille royale et que personne n'a mentionné dans ce podcast pour le moment, c'est Alexander Rousseff, qu'on le voit souvent faire une apparition légère à Raw ou SmackDown, et je me dis que ça peut être vraiment le moment pour lui de débuter et de porter cette bataille royale. Ce serait un sacré début, et c'est pour ça que je pense que c'est le moment où il va remporter ce match-là, Alexander Rousseff. Seb, Renaud, pardon, la même impression. Ouais, je vais rester sur le Big Show, c'est vrai que ça paraît évident, mais il y a tellement une histoire. C'est le géant de la bataille royale, même s'il y a Kali, mais Big Show, il était comparé à André le Géant toute sa carrière. Il a commencé à WCW, c'était soi-disant le fils d'André. Moi, bon, je vais dire le Big Show. Ouais. Mais en espérant pas de mauvaise surprise, parce que bon, le Great Kali, par exemple, ça ferait tâche, il faut être honnête. Tout par rapport à tous les talents, quand même, ça serait un peu abusé. Et après, ouais, il y en a qui sont là pour vraiment troubler les cartes. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de main eventers entre guillemets, et puis un Mysterio qui, on le sait, brille dans ce genre de match, ouais, ça peut brouiller un peu les cartes, même si on sait. D'ailleurs, ça peut être sa dernière apparition au passage. Donc, on sait jamais, après tout, ça peut être une surprise. Donc, bah voilà, bah d'ailleurs, n'hésitez pas dans vos réactions après au podcast à dire qui vous pensez aussi, à donner vos pronostics. Et ben on va passer ensuite au match, je pense. Enfin, on va faire dans l'ordre digressif en quelque. Non, c'est tout l'inverse. Ascendant de la carte. Ben avec un autre match, ben justement, je pose la question. Donc c'est les divas. Est-ce que ça peut être Battle Royale? Parce qu'il y a quand même du beau monde entre guillemets. Enfin, il y en a un peu moins beau. Mais ça c'est feeling personnel et de beaucoup ici, remarque. Donc AJ Lee, la championne diva, qui remet donc son titre en jeu contre un sacré nombre, c'est-à-dire Emma, Naomi, Bubella, Aksana, Eva Marie, Tamina Snuka, Summer Rae, Rosa Mendes, Natalia, Nikki Bella, Cameron, Leila et Alicia Fox. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Ouais, non. Je les vois sur la fiche, là, elles y sont toutes. Ouais, y en a, on aurait espéré ne pas les voir, faut être honnête. Je pense à Eva Marie, notamment. Voilà. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je pense qu'on va pas non plus faire une analyse aussi énorme qu'à Battle Royale, à mon avis, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, Renaud. Ah, rien du tout. À ce point-là. Non, mais ouais, franchement. Bon, après, la partie diva, on le sait, à WrestleMania, elle est très souvent mineure. Bon, oui, elle est très souvent mineure, mais là, c'est encore un fourre-tout. Je sais même pas ce que ça va se passer comment, c'est une bataille royale ou pas, on sait pas. Bah en fait, ouais, pour l'instant. Se présente comme ça, se faire un gauntlet, bah, ça serait hard quand même, un gauntlet ouais, voilà. À 16, ça serait hard. C'est pas une bataille royale, hein. 5, 6, 7, ah, c'est pas une bataille. C'est victoire par tombée, hein. La première, première femme qui fait un tombé remporte le match, en fait, et remporte le titre. Dans un match 15, oh la vache. Non mais comment ils vont faire ça? Alors c'est un gauntlet match. Elle rentre une par une. Ah non, parce que tu m'as dit au premier tombé c'est fini. D'après ce que j'ai pu dire, ouais, c'est premier tombé, et ben tu gagnes le titre en fait. Ah mais bordel. Et ben franchement, je sais vraiment pas quoi dire. C'est la première fois que j'entends ça, hein, depuis que je suis fan de catch, ça fait un moment. D'entendre qu'avec autant de monde, au premier tombé, ça s'arrête quoi. C'est vraiment la première fois que j'entends ça. C'est peut-être justement dans le sens de la storyline, parce que comme on l'a vu à Raw, vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu, c'est Vicky Guerrero qui a lancé le match et elle a bien montré dans sa promo qu'elle était qu'elle n'aimait pas du tout Jelly et qu'elle voulait lui faire payer en fait tout ce qu'elle a fait dans le passé. Oui, donc justement, elle a voulu lui faire un match compliqué, histoire qu'elle perde quasiment de manière certaine le titre, donc c'est peut-être pour ça que c'était fait. Ben on le sait, oui, KJ, ces temps-ci, elle arrête pas de dire qu'elle n'a plus de compétition, et puis bon, en même temps, elle bat tout le monde. C'est un Naomi, quand même, qui est de retour, là, de sa fracture au plancher orbital. D'ailleurs, elle porte un bandeau de pirate. Elle a pas défié, il me semble, KJ, encore pour le titre, donc... Ça aurait dû se faire, mais finalement, elle s'était blessée, elle avait été remplacée par Cameron, en pay-per-view, malheureusement. Mais non, mais j'arrive toujours pas à comprendre... Comment ça peut être booké? Comment ça peut être booké au premier tombé? Il y a tellement de divas autour que ça va être cassé. Enfin, je sais pas comment ça pourra, comment ils vont mettre ça en place. Je sais pas du tout. Ah ben, un joyeux bordel, ça c'est sûr. Hein. Oh, mon dieu. Mais d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de matchs à plusieurs, dans ce pay-per-view. Ouais, ça revient à ce que je te disais. Ça, c'est vraiment, de mettre tout le roster. Ils avaient un peu fait ça pour WrestleMania 20. Ça, c'est du WrestleMania. Il y a beaucoup de WrestleMania comme ça, honnêtement. Hein. Ouais. C'est vrai mais qu'il y a là, en particulier. Le monde possible. Mais ils essayent de caser tout le monde pour le 30. Et oui, et essayer aussi de ne pas répéter l'erreur de l'année dernière où ils avaient prévu un match mais ils n'avaient pas eu le temps de le faire, donc Ah oui, avec Cody, Sandow, Brodusclé, tout ça, ouais. Exact. Donc allons-y rapidement pour les pronostics. Qui voyez-vous sortir gagnante? AJ. Ouais, moi je pense qu'AJ va aussi remporter le match, peut-être en trahissant, on va dire, Tamina. Ce qui permettrait de mettre un terme à leur alliance et après éventuellement un face turn de Tamina qui va poursuivre le titre en 1 contre 1 contre Edge Lee. Ah oui, d'accord. Ouais, bah ouais, moi je mettrais aussi Edge parce que je vois pas. Il y aurait peut-être Naomi, mais ça sortirait un peu du chapeau, entre guillemets, et parce que même si c'est elle quand même qui fait les tomber depuis quelques temps, mais. Non, voilà, ouais, à part AJ, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix, et puis on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, du coup, quand même, on n'arrête pas de parler de Paige depuis quelques temps. Bon, après, il y a Emma qui est arrivée, mais bon, elle n'a pas non plus la, à mon avis, la puissance pour être une championne diva, même s'il ne faut pas non plus une énorme puissance, malheureusement, ces temps-ci, mais on sait qu'AJ tient la ceinture, donc, voilà. Bon, malheureusement, ça n'a jamais de visibilité, même si avec AJ au départ, ça en avait eu plus, mais là, ça n'en a plus du tout, donc, ouais. Ce match, ça, bon. Il peut pas figurer en pré-show, ça on le sait, sinon ce serait un flop total, donc, déjà que dans le show, ça sera une respiration évidente, donc, bon. Non, voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à rajouter sur les divas. Moi, je voulais rappeler très vite qu'il y avait une sorte de bataille royale de divas à WrestleMania 25, où on gagnait le prix Miss WrestleMania, et que c'était Santina Marella qui avait gagné. Eh oui, à l'époque. Oh, la sœur de Santino, oui, oui. Oui, la sœur de Santino, oui. C'est là que, d'ailleurs, on ne voit pas, hein. Ça ne serait pas étonnant, d'ailleurs. Ça serait, ouais. Bon, enfin. Sinon, on va passer à notre match à plusieurs, avec un titre en jeu. C'est le titre par équipe, détenu par les deux jumeaux, Yusso, Jimmy et Jay, qui affronteront dans trois équipes. Dans les règles traditionnelles d'un Fatal 4-Way, c'est-à-dire premier tombé gagnant, quoi. Avec Ryback Cell, Ryback et Curtis Axel, les Re-Americans, Cesaro et Jack Swagger, et les Los Matadores, Diego et Fernando, accompagnés de El Torito, qu'on va sûrement voir faire un ou deux petits sauts, je pense, dans le match. On a frôlé pire quand même, parce que ce match au départ s'était annoncé bizarrement uniquement les Usos contre Ryback Cell, ce qui semblait quand même assez plus que bizarre, sachant que c'est quand même deux losers, Ryback et Curtis Axel. Bon, logiquement, ils ont quand même rajouté l'équipe à la mode actuellement avec les Usos qui sont les Real Americans. Qui finalement donc n'ont pas le match que je pensais moi avec Big E pour le titre intercontinental. Finalement, les petites dissensions apparemment se sont éloignées. Peut-être qu'ils vont les reprendre là, on sait jamais. Et puis Los Matadores qui ont une remontée soudaine ces temps-ci. Sébastien, que penses-tu de ce match alors? Avant, vous étiez en train de parler d'un match potentiel pour le pré-show. Bah moi, je pense que c'est tout simplement ça transpire le pré-show celui-là. Là, ce serait une malédiction parce que souvent, ce genre de été par équipe, ils sont souvent en pré-show. La vache. Ah, je me rappelle à Miami, c'était déjà le cas. Ouais. Bah, je me rappelle aussi qu'il y a pas si longtemps, il y avait un match avec Wilson en pré-show. Je crois que c'était l'an dernier, mais je suis pas sûr. avec Justin Gabriel, il me semble aussi. Enfin bref, c'est un détail, mais bon, les Houssos en pré-show en général, c'est une valeur sûre, donc pourquoi pas. Après moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas Cody Rhodes et Goldust qui a été inclus dans ce match-là. Ils y mériteraient clairement être dans un match pour le titre par équipe parce qu'ils ont relancé la division à une époque où la division était morte. Donc ils auraient mérité cette reconnaissance-là. Après, on se retrouve avec des équipes comme Los Matadores qui n'ont pas vraiment une légitimité à être là parce que c'est une équipe de jobbers. Ah, mais d'ailleurs, tu parles de Los Matadores, mais va t'évoquer le pré-show là. Vincent sur le chat nous dit. Yusso va affronter Pico et Primo et Tyson Kidd et Justin Gabriel. Ah bah voilà, c'est ça. Ok, Pico et Primo, c'est Diego et Fernando. Ouais. Voilà. Donc on n'est pas loin de la même chose, les mêmes protagonistes. Sauf qu'il y en a deux plus des équipes. Je pense que certainement le split de l'équipe des Real American ce soir-là, ça a été teasé depuis plusieurs semaines, ce sera certainement le cas ce soir-là, mais bon, les Yusso vont conserver le titre sans problème ce soir-là. Ah bon, sans problème. Mais t'en penses quoi, Renaud ? Bon, déjà, je rejoins totalement Seb sur le fait qu'il n'y ait pas Goldust et Cody Rhodes dans ce match. Et plus les Matadores. J'ai rien contre les Matadores. Personnellement, c'est de bons catcheurs, mais alors, on aurait préféré les voir eux dans la bataille royale et voir Goldust et Cody Rhodes dans ce match-là, clairement. Maintenant, ouais, je vois aussi quand même les Ouzo conserver la ceinture. Puisque je vois pas les autres teams gagner un Ryback Axel, on peut rien espérer d'eux, je pense pas, hein. Franchement c'est juste impossible. Et les autres, les vrais Américains, ils vont splitter, je pense aussi, et les Matadores, ils sont trop loin du titre. Donc je vois aussi les Ouzo confirmer et conserver. Ce qui me fait un peu mal, c'est que j'ai l'impression que la carte est pas mauvaise, hein. Il y a des bons matchs, on va en parler encore après, il y a des très bons matchs, mais j'ai l'impression que pas beaucoup de suspense, quoi. Alors, est-ce que la WWE va nous surprendre? J'espère, j'aime bien qu'elle nous surprend. J'ai l'impression que tout est un peu écrit, quand même, que c'est un peu facile à deviner, les pronostics. On verra bien, hein, mais c'est l'impression vrai, que ça me donne. C'est vrai, ouais, non, mais c'est un coin que tu touches bien, parce que vous écouterez lors du vintage, j'ai eu plusieurs WrestleMania comme ça par le passé, qui ont quand même eu des affrontements très Disney, où tu devinais d'entrée le vainqueur. Bon, évidemment, on n'espère pas le même genre de contenu qu'à WrestleMania 6, qui sera le sujet du vintage. Mais bien sûr, mais bon, voilà, c'est sûr que ça semble écrit, et c'est vrai qu'on dit à peu près tous les mêmes noms, et puis je dirais qu'on n'a pas le choix, hein, sur beaucoup de cas. Hein. C'est un peu le sujet, c'est vrai que moi aussi, je vais être tenté de dire les Yusso, parce que leur challenger désigné, enfin ceux qui ont quand même droit à leur rematch depuis qu'ils avaient perdu les titres, les New Age Outlaws sont dans un autre match, alors que ça fait quand même depuis quelques temps qu'ils auraient dû activer leur clause de rematch et la WWE laisse traîner ça, donc voilà. Je vois pas d'ailleurs trop pourquoi, parce que je les vois pas non plus reprendre le titre, New Age Outlaws à un moment donné. Je crois aussi que le Road Dogg avait eu un petit souci au dos, donc ils avaient été obligés de... Oui, à la dernière minute, ouais. À chaque fois, c'est une malédiction derrière Christian, il a eu une commotion, apparemment, là, qu'il avait privé du match à Main Event pour le titre intercontinental contre Big E. Du coup, c'était Dolph Ziggler qui avait challengé Big E, qui avait gagné, là, c'était mardi dernier, là. Et, on dirait qu'il y a une malédiction, parce que les titres par équipe, effectivement, ils auraient dû être défendus il y a 3 semaines, ou 4 même, je crois, entre les Yusso et New Age Outlaws. Dans un match où il y avait Daniel Bryan contre Kane aussi d'ailleurs. Ah, ce qui amène aussi à parler un petit peu vite fait de la redynamisation de Main Event, mine de rien. Donc voilà, c'est. Moi, ouais, c'est quand même bizarre ça. Après, l'inconnu, ça peut être les Real Americans qui ont quand même une grande sympathie, mine de rien. Du public et des officiels, j'ai l'impression. Mais après, ce serait un petit peu abusé pour les Usos qui ont quand même aussi ce genre de sympathie et. Qui sont quand même champions depuis le lendemain du dernier pay-per-view, il me semble. Donc, ouais, c'est ça. Fait pas des champions au long cours. Après, bon, ces titres par équipe, ils sont pas souvent bien, bien. Là, on voit donc clairement pas la direction que ça prend. Et bon, c'est bien dommage, justement. C'est vrai que j'aurais bien aimé un match clair. Et là, c'est vrai qu'on a encore un fourre-tout des équipes. Voilà. Et puis, c'est vrai que Ryback et Curtis Axel, ils auraient pu être échangés. Cody Rhodes et Goldust, ça aurait fait un match quand même d'extrême qualité. Et puis, allez, la team Sin Cara, même si c'était l'ancien Sin Cara, celui qu'on pleure, évidemment. Et pour être associé à Rey Mysterio, ils avaient donné des bons matchs l'année dernière. Ouais, voilà, ça aurait été un bon four-way, mais bon, après, on le sait que ça va quand même dynamiser. C'est souvent le cas avec les équipes depuis quelques temps de WWE. À mon avis, ça risque d'être un match sympathique à voir quand même. Même si, ouais, l'issue. Voilà. Après, moi, je dirais l'inconnu, c'est un split entre Cesaro et Swagger qui peut se faire là. Parce que c'est le moment, totalement. J'ai pas compris comment ils ont pu. Comment ils ont pu abandonner d'un coup cette idée. Enfin, ils s'y accrochaient pendant 2, 3, 4 shows de suite, et puis ils ont abandonné. Mais quoique, là, ces temps-ci, Swagger prend le tomber. On voit qu'il y a toujours un gros plan vers Colter, Zeb Colter qui fait la gueule. Donc, à mon avis, ça pourrait se décanter là. Quelque chose à rajouter sur ce match? Non. Oh bon, on va passer sur le dernier match dont on va parler à plusieurs en tout cas. Après on va passer à l'ange d'une connerie parce que après il y en aura trois avec une inconnue. Mais là c'est un 3 contre 3 et qui a été un petit peu construit là. C'est le dernier qui a été construit pratiquement et tout juste la semaine dernière. Cette manière est quand même encore dans 2 semaines. Hein. Non, dans une. Mais voilà, ça a été fait 10 jours avant, 2 semaines à peu près. The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns contre Kane et les New Age Outlaws. Donc ils sont revenus. Billy Gunn et Road Dogg Jesse James, donc qui ont. C'est ça, tout est parti de Kane. Hein. On se demandait à qui sera associé en gros, et puis voilà, on le sait que c'est les deux. De toute façon, les New Age Outlaws ont eu les titres, tout le monde le dit. Elle a la bénédiction de l'autorité, donc c'est l'équipe de l'autorité quoi qui apprend de Shield, qui amorce un gros face turn après avoir failli splitter aussi. Donc c'est assez bizarre ce match. T'en penses quoi, Seb? Moi, je suis assez partagé sur la question parce que je me souviens que lors de la dernière émission, j'avais dit que j'étais déçu que l'on n'ait pas pu assister peut-être à un run face du Shield parce que je m'attendais à voir un match entre les trois membres du Shield dans un match à trois lors de WrestleMania. Donc de ce côté-là, je suis content qu'on puisse voir ce run de face, mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est une déception parce que c'est pas un gros match. Hein. Le Shield contre Kane et les New Age Outlaws, c'est vraiment pas aussi important que ce qu'aurait pu être un three-way entre les trois. Et donc finalement, je suis presque déçu qu'il n'y ait pas eu un split plus tôt de cette équipe qui aurait conduit à un match entre les trois. Mais... Et oui, parce que l'année dernière, ils affrontaient qui? Ils affrontaient le Big Show, Sheamus et Randy Orton, il me semble. C'est exactement ça, Bruce. C'est sûr que là, bon, avec tout le respect dû aux New Age Outlaws, qui sont des légendes par équipe, mine de rien, et puis Kane, c'est un cran dessus, on va dire, en dessous, dans la hiérarchie. Oui, non, totalement. Puis en plus, ils sont plus au top comme ils avaient été à une certaine époque. Donc, même s'ils sont toujours bien, bon, c'est pas non plus ce qu'ils étaient à l'époque Attitude. Mais là, on est quand même déçus, c'est vrai. Franchement, c'est un retournement de situation. La WWE a changé les plans, là, d'un coup. On voyait bien qu'il se passait quelque chose entre le Shield. On voyait bien que Roman Reigns, il allait exploser en solo et que Dean Ambrose était jaloux, tout ça. Puis après, même Seth Rollins s'est mêlé de ça dans un SmackDown. On sentait que ça allait faire un match à 3. Là, finalement, on a ça. J'ai entendu une news comme quoi c'était les New Age qui auraient demandé à Triple H en coulisses d'affronter une dernière fois le Shield avant qu'il split. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu cette news. Ah non, mais... dis donc. Ah, ça serait quand même... comme à l'écran. Hein. Bon, on le sait quand même que il y a quand même des retranscriptions entre le réel et puis ce qui se passe à l'écran qui sont pareilles, je dirais. Donc... Après, ça reste quand même 6 bons catcheurs, hein. Mais on aurait quand même préféré voir le Shield en 1 contre 1, enfin un triple threat, quoi, je veux dire, chacun pour sa place. Là, c'est une opposition entre vétéran et puis jeune loup, qu'on voit depuis un an et même plus, pratiquement deux même, mine de rien, et qui, C'est vrai que Dean Ambrose, il a toujours le titre US qu'il ne, enfin, ne défend quasi jamais. C'est clair. Aussi, ce titre, on sait plus à quoi il sert. C'est clair. Donc, ouais, non, ça va être ce match très décevant. Moi, bon, ben, pour dire le pronostic, je vois tout de même, non. Bon, allez, si je vois peut-être un truc de heel se faire, c'est peut-être là. Je sais pas trop, c'est vrai que ce match, il me brouille tellement les pistes. Bon, je vois Kane et New Age Outlaws quand même sortir vainqueur, mais... Ah. Ouais. Ah, moi, ça me surprend, parce que pour moi, il y a pas de discussion possible. Hein, le Shield va gagner ce match. Hein. Je vois pas quel est l'intérêt de faire remporter ce match par Kane et les Outlaws. Hein, mais justement, déjà, ce match, pour moi, il a un intérêt très, très limité. Donc, à partir de là... Ils peuvent balancer le vainqueur qu'ils veulent. Ça me... La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont mis de côté cette histoire entre le Shield, entre eux, est-ce qu'ils ont mis ça de côté parce que les New Age, justement, avaient demandé à Triple H en coulisses d'avoir ce match, donc ils se sont dit on va faire ce triple threat, puis ça fait encore du remplissage, hein. Comme ça on a Kane qui est dans le show et on a les New Age dans le show, eux aussi participent à WrestleMania 30. Donc est-ce que la feud entre le Shield qui commençait à prendre entre eux a été mis de côté puis va reprendre finalement après? Là on pourrait croire qu'il se passe un truc ce soir-là, donc à WrestleMania il pourrait y avoir un spear de Roman Reigns sur Dean Ambrose, et puis bon, là je suis en train d'inventer des choses, mais il pourrait y avoir un split ce soir-là. Maintenant si les gars continuent entre eux, bah, je vois pas le Shield perdre. Hein. Si le Shield si continue entre eux, je vois pas le Shield perdre contre les New Age et Kane, hein, franchement. Donc ouais, c'est vrai que là c'est un peu plus une inconnue pour moi aussi comparé aux autres matchs. Donc pour moi voilà, si continue entre eux, c'est la victoire du Shield clairement. Après si la WWE compte les splitter vraiment, peut-être que un petit choc slam de Kane sur Seth Rollins qu'il vend à la perfection, ça pourrait être beau à voir. Parce que être assez stiff ce match, c'est sûr que Shield avec les Wyatt, c'est vraiment des combinaisons comme ça de matchs qui ne déçoivent pas, mais bon là quand même ils ont quand même un test malheureusement moi qui ne va pas être celui qui va emballer plus la foule, même si elle est quand même de plus en plus derrière le Shield. Donc d'ailleurs ouais. au dernier SmackDown, enfin qui n'aura pas lieu, alors là c'est Mr Spoiler qui parle, mais quoique non, parce que c'est lors d'un après-show où par rapport au prochain match dont on parlera d'ailleurs. John Cena, donc, qui est défié par les Wyatt, qui reçoit l'aide de Shield, et il y a Kane qui se joint en Wyatt, il y a un match, c'est en dark, et donc voilà, c'est pas vraiment un spoiler. Et donc victoire de Shield et John Cena, et John Cena d'ailleurs il y a une photo qui fait le signe à la fin là quand ils joignent leur point avec Shield, donc autant dire qu'ils sont complètement face. Donc, effectivement, voilà. J'ai vu la photo, ça c'est très bizarre. Les trois face, c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé. Pourtant, c'est en train de se produire. Ah, c'est le cas, mais on peut le dire, hein. C'est le cas. Oui, c'est vrai que depuis deux semaines, ouais, effectivement, c'est depuis que Kane il est entré dans le jeu là pour leur faire un jeu là, justement, juste après leurs histoires là où. Où il y avait Seth Rollins qui avait quitté un combat contre la Wyatt Family, qui s'était imposé donc dans un 3 contre 2, qui s'était devenu comme ça. Et il y avait une petite explication de rien du tout à SmackDown après, il s'était rabibouché, puis avec Kane qui était arrivé. Donc ça pue le plan B, hein, moi aussi. Oui, vraiment, je pense vraiment que c'était pas le truc de là aussi, quoi. Parce que Kane, il était quand même dans le truc Brian, et puis d'un coup, il a bifurqué vers le Shield, comme quoi, en pleine voie de WrestleMania, c'est, la vache, c'est vacillant, ouais. Ouais, d'un coup, le Shield, ils se remettent bien ensemble, je vois vraiment pas Dean Ambrose être un face, personnellement, je trouve qu'il a vraiment pas la gueule pour être un face. On verra bien, mais, franchement, bon, moi, je suis assez déçu de cette histoire, j'aurais vraiment préféré un match à chacun pour sa peau entre le Shield. Ah ouais, non, moi aussi, c'est ça. Mais c'est le problème, en fait, de la Road to WrestleMania, parce que bon, faut toujours un petit peu l'évoquer dans ce cas-là. C'est que là, c'est, autant il y a des exemples où c'est vraiment rectiligne, il y a rien à dire, du genre John Cena, non, j'ai une connerie, parce qu'on dit toujours qu'une Road to WrestleMania commence au lendemain du Rumble, mais à part Batista et Randy Orton, et encore, tout le monde s'en fout complètement. Il y a rien de rectiligne. C'est ça va dans tous les sens. C'est un slalom. Il y a eu le chamber au milieu, et même au lendemain du chamber, les cartes étaient redistribuées. Même en plein milieu entre le chamber et WrestleMania, les cartes ont été encore redistribuées. Ah, c'est le Road to WrestleMania la plus bizarre que j'ai vu, je pense. y a deux facteurs qui ont bouleversé. Le premier, c'est le départ soudain de CM Punk, et le deuxième, c'est la réaction des fans vis-à-vis de la non-participation de Bryan dans un match pour le titre. Donc, les bookers se sont adaptés et ont dû tout restructurer. Hein. Ouais, même si ça, bon, on va en parler tout à l'heure, mais ça, à mon avis, le truc de Bryan, c'était prévu. Ça, je suis pas sûr. On verra après, mais je suis pas sûr. Bon, mais y a-t-il quelque chose à rajouter, Renaud, peut-être sur Charlotte WrestleMania Ouais, c'est clair que le départ de CM Punk, c'est là. Ça, c'est vraiment le gros truc qui a fait qu'ils ont chamboulé les plans. Parce que CM Punk avait entamé une sorte de feud avec Kane, qui était venu lui porter des chokeslam. Je pense qu'il aurait peut-être affronté Kane à Elimination Chamber. Et puis après, il affrontait Triple H à WrestleMania. Déjà, au moins, Bryan n'aurait pas eu de match. Peut-être que Bryan aurait été dans le match en triple threat pour le titre. Ah oui. Voilà, il n'aurait pas eu deux matchs, c'est sûr, à WrestleMania. Là, tu sens qu'il comble le départ de CM Punk contre Triple H, parce que Triple H Punk, c'était pratiquement écrit. Donc oui, ça a été chamboulé à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que là, je vous suis, c'est vrai que CM Punk parti, ça laisse pas de gars derrière. Sheamus, c'est récent, et il a pas l'aura de CM Punk. Enfin, je parle de Sheamus, parce que c'était quand même quelqu'un qui était main eventer mais qui ne l'est plus, je dirais maintenant. Donc voilà, après le Big Show aussi, non. Ouais, non, voilà, il y a plus grand monde, c'est ça le problème en fait. Donc s'il y a Dolph Ziggler qui remonte, mais la remontée n'est effective que depuis un mois, donc et puis ah oui, victoires sur Alberto Del Rio uniquement, je dirais. Ce qui est déjà très bien, hein, mais bon. Oui, mais bon, Del Rio n'est pas non plus celui qu'il était, donc voilà, ça en revient toujours au même. Bah, Sébastien, tu lisais des rumeurs, Bryan contre Sheamus. Bah, ils ont donné des bons matchs. Il y a deux mois. Qui m'avait fait Rage Quit. Ça, c'est fameux. Mais bon, le match de 18 secondes, alors celui-là. Ah là là. Enfin bon, les rumeurs, elles parlent dans tous les sens. Et puis, on le voit que la Blood to WrestleMania, justement, s'est bien moqué des rumeurs. De plus en plus, il y a les bookers, la WWE joue beaucoup avec les dirt sheets, les rumeurs. Ils n'arrêtent pas de jouer, j'ai l'impression, depuis quelque temps. Et peut-être que ça porte à l'intégrité, à la lisibilité, là, de la Blood to WrestleMania, à mon avis, peut-être, a dû être un petit peu chamboulé par rapport à ça. Je sais pas qu'ils font leur carte par rapport à ça, mais un petit peu, ils jouent à ce jeu, j'ai l'impression. Et puis, le jeu, c'est un fait, ils ont jamais clarifié publiquement la situation, Ouais, je pense qu'il y a des gens payés pour zioter la toile. Ça, c'est sûr. Ah oui. Bah, de plus en plus, de toute façon, ils font leur truc sur ça, donc voilà. Bah, ils ont même communiqué, là, on a une série animée, la Slam City, qui est sympa, moi j'ai vu, c'est assez marrant d'ailleurs, si vous voulez voir, c'est sur YouTube, sur l'adresse Cartoonium. Quoi, John Cena en garagiste, c'est ça? Ouais, par exemple, non, mais c'est des trucs marrants comme ça, voilà. Un gars masqué qui fait penser à Kane, d'ailleurs, qui renvoie toutes les superstars de la WWE dans une ville qui s'appelle Slam City, donc où ils font... ils doivent trouver des boulots, voilà, mais toujours avec leur personnage, ouais. Randy Orton, ton avis sur Scooby-Doo à la route vers WrestleMania, là. Oh là là. Ouais, mais attendez, justement, le pire, c'est que justement, j'en parlais de Scooby-Doo tout à l'heure. Ah d'accord. Allez. Teaser. Restez bien avec nous, ça vous va. Restez bien avec nous, il y a Scooby-Doo après. D'ailleurs, Renaud, qui est notre imitateur, est-ce qu'il a pas une imitation d'un personnage de Scooby-Doo, Sam? Scooby-Doo, Sammy! Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais, je fais de mon mieux, hein, les gars. Et oui. D'ailleurs, juste pour finir, le Raw de lundi dernier, que t'as pas encore vu, Renaud, forcément, et puis beaucoup d'entre vous. Mais que je verrai. T'as encore passé en français, mais oui. Vous verrez. Je te vous vois pas, hein, je parle aussi aux éditeurs. Je me suis senti pousser des ailes. Et y avait aussi Arnold Schwarzenegger, Joe Manganiello qui faisait la promo du film Sabotage. Ah, et avec Hogan sur le ring. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis il y a The Miz là qui réapparaissait quand même, bon, qui a fini de tourner The Marine 4, qui réapparaissait in extremis, voilà. Dont on a parlé tout à l'heure, enfin on n'a pas parlé de lui spécifiquement parce que c'est pas non plus le grand favori de la Battle Royale. Donc voilà, non mais ouais, il y a des stars, et puis Scooby-Doo, on y reviendra tout à l'heure, je vous le dis. J'ai pas vu le dessin animé, mais je sais ce qui se passe, donc c'est pour ça. Ça peut être rigolo ou pas, dans ce cas-là, ou pas. Un truc assez bizarre, une feud qui a démarré, celle-là très rectiligne depuis Elimination Chamber, il me semble. C'est bah depuis qu'ils ont empêché John Cena d'être champion, donc bon, on s'en doutait évidemment que bah, il allait pas être champion à Elimination Chamber, mais voilà, c'était Bray Wyatt et sa Wyatt Family qui l'ont empêché d'être champion. Et bah du coup le match opposera John Cena à Bray Wyatt. Bah, c'était un petit peu perturbé d'ailleurs cette rivalité parce que John Cena était vraiment blessé quand même à un moment donné. Là, tout dernièrement, il est revenu heureusement à temps. Parce qu'en fait, sa manière sans John Cena, hein, c'est toujours très compliqué. C'est quand même celui qui a fait les deux derniers main events de WrestleMania, Oui, même les trois, hein. Si tu comptes le 27 contre le Miz, je sais que tu as envie de l'oublier moi aussi, mais. Non, mais je dis les deux derniers déjà. Les deux derniers, Ah, ouais, c'est d'accord, je pensais que. trois des quatre derniers, ouais, c'est quand même énorme. Et là, il se retrouve dans un match face à la valeur montante, mais qui me semble situé en milieu de show et dont les gens ont un intérêt assez moyen, je pense. À part de voir Bray Wyatt peut-être essayer de, parce qu'il a quand même une winning streak, souvent on parle beaucoup en anglais, mais une grosse série gagnante mine de rien en pay-per-view, mine de rien ça commence à monter. Ça fait du Kane, ça fait du Kofi Kingston, ça fait du Daniel Bryan, et ouais, non, vraiment, il monte progressivement, donc, le voyez-vous capable de créer l'exploit, parce que abattre John Cena à WrestleMania, après tout, The Miz l'a fait même. Mais est-ce que, Bray Wyatt le peut? Moi, je pense, hein, je pense clairement, sincèrement, vu comme la WWE travaille sur son personnage, je pense que en plus John Cena, je pense pas que ce soit un gars qui bloque les catcheurs. Je suis Oh pas non, fan de. on le voit. Bah déjà à partir du moment où il avait perdu au 27 contre le Miz, à partir de là, je crois que déjà avant il était comme ça, donc. Ouais, sur ça, c'est pas un gars, voilà, c'est pas un gars embêtant pour ça. Et je pense sincèrement que Bray Wyatt, ils sont en train de tellement bien travailler avec lui qu'une victoire sur John Cena là à WrestleMania, ça serait super. En plus, il n'y a pas de titre en jeu, donc je vois pas pourquoi la WWE ne le ferait pas. Non, je pense qu'il là, il est sur sa montée pour gagner John Cena à WrestleMania. Moi, j'y crois sincèrement. Mais je pense aussi que la feud entre Cena et Bray Wyatt, elle a même commencé avant l'Elimination Chamber. Hein. Oui, il y avait des prémices, mais elle a été Mais confirmée à Chamber. je crois qu'ils ont, ils ont, ils étaient intervenus, non, dans le Oui, match John Cena ils étaient contre déjà Orton. intervenus précédemment, mais c'est vrai que c'est bizarre. Rumble. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de confrontation directe encore sur ring entre John Cena et Bray Wyatt. Ça, ils ont bien entretenu jusqu'à WrestleMania, bien sûr. Ouais, Du face au Rumble. Rick Rowan et surtout de Luke Harper qui ont été opposés à John Cena. Ben d'ailleurs, le fait que les deux, de toute façon, ils sont dans le coin. On sait que John Cena, évidemment, ce personnage de Superman, mais là, c'est vrai qu'il est dans un contre 3 à la limite, parce que c'est vrai que Eric Rowan et Luke Harper, bon, à moins qu'il soit rajouté dans un match en dernière minute ou d'un Battle Royale, où il prendrait deux places quand même. Ouais, il serait des aides précieuses pour Bray Wyatt. On peut attendre quand même, enfin, moi j'attends quand même un gros match assez particulier, parce que jusque-là, Wyatt, il a quand même eu affaire à des matcheurs, hein. Kofi, Bryan. Alors que Cena, c'est le gars qui travaille bien, mais quand même, il faut quand même qu'en face, le gars, il y mette du sien. Et puis justement, on peut espérer que sur la lancée de ce qu'il a fait face à Bryan, Wyatt le fasse. C'est que je pense, à mon avis, ça peut être le match surprise en qualité du show. Donc, Là, je te rejoins. qui peut être le show stealer, voilà. À moins qu'il y ait Oui un aussi, match en j'y solo crois. de Christian, hein, dans le coin, mais voilà. Mais alors, Seb, Oui, moi qui y aussi, croit? j'y crois en la qualité de ce match, hein, surtout que j'ai pu voir les deux derniers matchs de Cena contre Harper à SmackDown et à Raw. C'est vraiment deux matchs de très bonne qualité. Donc je pense qu'il peut faire le même type de performance contre Bray Wyatt à WrestleMania. Donc j'ai pas de doute sur la qualité du match qui va être proposé ce soir-là. D'autant plus que Vincent nous rappelle sur le chat qu'il y aura une entrée particulière pour Bray Wyatt. Son thème sera joué en direct apparemment. Donc ça peut être un moment génial à voir. Hein. On a déjà vu des entrées qui ont été réalisées en direct dans le passé. Et c'est toujours un moment impressionnant à voir et très sympa. Après pour We're le here. Pardon. New Orleans, we're here. Avec mon accent de merde. en termes de prédiction pour le match, je pense que c'est le match dans lequel je suis le plus indécis. Les deux options sont totalement plausibles. Si Bray Wyatt gagne le match, ce serait une victoire géniale pour lui qui va le propulser vers les sommets. Et si Cena gagne, ce sera en aucun cas une défaite honteuse pour Bray Wyatt. Hein. Perdre contre Cena, c'est normal. Donc il peut largement regagner sa hit dans le futur, mais je suis très indécis sur ce match-là. Ouais, mais alors, bah allons-y, il faut quand même se mouiller. Donc tu parles pas. Comme c'est la seule manière, je vais dire Cena, mais bon, je suis vraiment très indécis. Bon, mais tu vas rester sur Cena, donc. Renaud, t'avais dit Wyatt. Ouais, je vais rester sur Bray Wyatt. En plus, bon, Cena. Oh, ben moi aussi. Je suis Cena assez a gagné le Rock l'année dernière, il a gagné le titre. Oh, je vais dire Bray Wyatt, ouais, Bray Wyatt. Ouais, moi je suis assez heal. De toute façon, Cena, il a été, c'est vrai, tu le dis, il a été. Mine de rien, il est tellement écorné, le pauvre, à WrestleMania, c'est un truc de fou. Qui, John Cena? On lui passe dessus. Ah oui, non. Ouais, mais il en gagne beaucoup des matchs, hein, Bruce. J'espère une foule bien aussi, à mon avis, la foule, elle va être chaude comme la braise. Ah, c'était dans un dôme, mais ça le fermait. Enfin, stade fermé plutôt, salle un peu grande. Et puis ouais, si Bray Wyatt en plus à son entrée en live, je le vois bien sortir peut-être d'une petite cabane en bois là, construite rien que pour lui, ça serait cool. Ah oui, bah là on le sait, va y avoir des entrées particulières. Ouais, dans le match dont on va parler ensuite, il y en aura une particulière, on le sait chaque année de toute façon. Mais ouais, moi aussi, donc je pense Bray Wyatt, car après tout, il a quand même un élan, et John Cena, je ne sais pas du tout vers où il peut aller après. Parce qu'il faut toujours un petit peu envisager après ce qui peut se passer après ou à sa manière. Bray Wyatt en extrême. D'un côté, c'est une finalité, mais là, dans ce cas-là, peut-être pas. Ouais, voilà. Parce que c'est une feud qui n'a pas eu encore de match. C'est leur premier ensemble, donc c'est fort possible déjà qu'ils poussent jusqu'à Extreme Rules, ouais. On espère pas être déçus, parce que là, je vois que on est d'accord. Ce match a la qualité pour, en tout cas. Un match qui peut avoir la qualité pour, quand même, bah, c'est toujours celui qu'on attend chaque année, mine de rien, parce que quand même, quand on dit aux gens quel est le WrestleMania moment, il y en a qui disent beaucoup ces matchs contre Shawn Michaels. Moi, j'aurais tendance à dire un petit peu son match contre Edge à WrestleMania 24 qui est excellent. Bon, il n'a pas non plus eu que des grands matchs à WrestleMania, mais il en a gagné 21 en 21 apparitions. The Undertaker, évidemment. The, enfin, c'est pas vraiment l'accent anglais, mais... Mais voilà, avec qui revient donc à cette occasion pour affronter The Beast Incarnate, Heat Conquer et compagnie. C'est Brock Lesnar avec encore Paul Heyman décidément. Il veut gagner contre l'Undertaker. Il avait managé CM Punk l'année dernière dans un match qu'on avait désigné, je crois, match de l'année dans les Awards, ou pas très loin en tout cas, peut-être deuxième match de l'année. C'était déjà un grand match, on le sait, avec l'Undertaker, c'est toujours des grands matchs depuis quelques années, avec Triple H, avec Shawn Michaels, Edge, voilà. Ça contrebalance avec les matchs des années 90 notamment, et début des années 2000 qui n'étaient pas très marquants. Toi qui as bien maîtrisé à l'époque l'Undertaker, n'a jamais réussi à dompter Brock Lesnar avant. Non. Non, Lesnar l'a toujours gagné. Bon, ils avaient fait un match nul, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas eu en fait de victoire pour un ou pour l'autre. C'était un Forgiven 2002. Sinon, à No Mercy 2002, Lesnar l'avait remporté en Hell in the Cell, Seb. En Hell in the Cell. Et sinon, ils avaient fait un match de chaîne à No Mercy 2003. Et là aussi, ça avait été remporté par Brock Lesnar grâce à Vince McMahon. Mais ça a toujours été des bons matchs. Ça a toujours été des bons matchs. À l'époque, c'était des très très gros matchs même. Là, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'y crois, hein, parce que le Taker, à chaque fois qu'il revient, c'est vrai, hein, comme tu dis, ces derniers temps, c'est toujours très intéressant. Et Lesnar, on l'a revu, hein, il est quand même très bon, hein, encore. Hein, donc, non, si tu restes du temps, ça peut être très intéressant. J'ai un peu peur pour Taker quand même, parce que Lesnar, lui, il y va, hein, il y va à fond. Donc, on va voir comment Taker va sortir de ce match. Mais sinon, oui, Undertaker va conserver sa streak. Encore une fois, je vois vraiment pas Undertaker perdre. À WrestleMania, depuis un bon moment, je vois plus Undertaker perdre, et là, c'est pas à WrestleMania 30 que je le vois perdre. Mais d'ailleurs, il y avait des avis auditeurs. Là, je me rappelle quand on avait commencé à mettre les affiches du match, parce que celui-là, il était quand même décidé assez rapidement, après Elimination Chamber, donc un open contract, et donc l'Undertaker qui s'est présenté, on pouvait s'y attendre à ce moment-là. Et ouais, beaucoup craignent justement ce que tu dis là. Pour la santé du Taker. Est-ce que tu as la même crainte, Seb? Ouais, c'est peut-être ma crainte dans ce match-là, parce que Brock Lesnar, on sait que il a 49 ans, hein, au passage. Pas Lesnar, mais Taker. Il a 49 ans. D'ailleurs, il a quel âge, Brock Lesnar? Ouais, tu feras une petite recherche, tu me diras, parce que ça m'intéresse. Oui. Mais ce match, je sais pas trop quoi en penser, hein, parce que Ah, Lesnar, Lesnar j'ai, il a 36 ans. Enfin, dans sa 37e année. Voilà. D'ailleurs, il est né le 12 juillet. Ce qui est une bonne date pour le football français, on le sait. Mais pas 98, hein. 77. Bon, okay. Oui. Pardon. Comme dit, ouais, c'est le mystère pour moi. Hein. Je ne sais pas trop quoi m'attendre. Je suis sûr qu'on aura un match quand même d'une bonne qualité parce que si le Taker fait un match à WrestleMania, il a quand même un an pour se préparer. Et je suis sûr qu'il prend le temps de bien préparer ce match. Lesnar, je suis moins sûr, mais le Taker, je suis sûr que ce sera bon de son côté. Je l'imagine un match surtout dans le côté psychologique très réussi. Après la performance physique, j'ai un petit doute, mais là où je n'ai pas de doute non plus, c'est sur le résultat. Hein. L'Undertaker va gagner, la série ne sera jamais brisée. Ah ben oui, ça de toute façon, ouais. Ben à partir du moment où on pensait qu'il aurait pu finir sur 20-0, un chiffre pile, un nombre pile, ben ils ont prolongé. Bon, il va pas non plus lutter aussi longtemps que Terry Funk ou Ric Flair, donc il va falloir un moment. De toute façon, bon, il est toujours économisé pour sortir le match à WrestleMania et ça tient à chaque fois pour l'instant. Mais c'est vrai que on approche de plus en plus à la fin, à la fin, à la fin. Est-ce que bon, il y aurait un jour, ça c'est un délire évidemment qui traîne tout le temps dans les têtes, y compris peut-être celle de Vince, mais même lui n'a pas cette folie, mine de rien, de le faire. C'est le fameux Cena Undertaker. Il y a un an, beaucoup pensaient qu'il aurait pu avoir lieu là et qu'on aurait eu un Lesnar The Rock. Mais bon, The Rock, il est reparti au cinéma et il est très bien d'ailleurs là. Et d'ailleurs, il est dans le film Hercule ouais. Ces temps-ci, voilà. Lesnar, c'est le gars qui des grandes occasions, hein, il est là pour ça, il a un gros contrat pour ça, et un coup il perd, un coup il gagne, ça c'est pas vraiment le truc. Et il a pas une grande histoire avec WrestleMania, hein, il me semblait. D'ailleurs, on en avait parlé lors d'un vintage qu'on avait dû faire, je crois. Ouais, c'était. Il avait perdu contre Kurt Angle, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'était à WrestleMania 19 en 2003. C'est vrai qu'il a pas. Ah oh non, il avait gagné, pardon. Il avait gagné contre Kurt Angle. Bon. Par contre, il avait perdu l'année d'après contre Bill Goldberg à WrestleMania 20. Ah voilà, dans ça un match catastrophique. Oui. Ouais. Il avait signé un petit peu à la fin à l'époque. C'était la fin des deux à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et puis, il a reperdu, hein. Il a reperdu contre Triple H à WrestleMania 29. Donc c'est vrai qu'il n'a pas un gros bilan à WrestleMania. Et là, il risque fortement de perdre encore à WrestleMania. Eh oui. Mais alors que voilà, comme avec Triple H, ça avait bien marché à WrestleMania. Il avait dominé, porté le match qui était, de mon point de vue, un match énorme. C'est clair. Et à l'arrivée, Triple H était accroché physiquement comme pas possible. C'était remarquable comme performance aussi, parce que bon, il était quand même déjà plus vraiment catcheur en activité. Un peu comme le Taker là, et en semi-activité, je dirais très semi, même un dixième d'activité, et un douzième plutôt, même qui travaille un mois sur 12 à peu près. Et non, voilà, ouais, c'est vrai que moi je m'attends à ce que le Taker résiste, parce que voilà, pendant 20 minutes, et puis qu'il place quelques petites accélérations par-ci par-là, et qu'à la fin. Il y arrive avec la séquence qu'on connaît. Qu'on connaît. Enfin, la question maintenant, c'est je le vois pas finir sur la soumission, hein, par exemple. Ah, bah, d'accord. Finir avec le tombé clair, moi. Hein. Pile driver, tombstone, et puis hop là, bras en croix, on tire la langue, et c'est fini. Ah, d'accord, j'allais justement poser la question, savoir comment vous pensez qu'Undertaker gagne. Je crois que l'année dernière, Lesnar avait abandonné face à Triple H. Hein. Ah oui, bah, c'était le jeu, justement. C'était le jeu, oui, effectivement. De foutre le gars KO, ouais, il avait coincé dans Kimura Lock Triple H pendant longtemps, et puis ouais, Triple H était arrivé à renverser. Non, il avait fini avec le. Pédigré sur les escaliers? Ouais, le pédigré sur les escaliers. Ouais, je pense, ouais, peut-être. Peut-être le Hell's Gate, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une possibilité, moi je vous avoue que je suis pas vraiment d'avis tranché là-dessus, hein. Tout ce que je sais, c'est que le Taker va gagner, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, la manière. Je vais dire le Hell's Gate, hein, pour te faire plaisir. Bon, après aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'un Undertaker est un très grand professionnel. Ça a toujours été. Hein. C'est un mec très très pro, donc il sera prêt pour WrestleMania, il s'est bien préparé pour l'événement. Après on verra ce que ça donne. C'est vrai que Lesnar c'est un gros bourrin, donc ça risque d'être terrible à ce niveau-là. Mais Taker va venir prêt, il sera prêt pour WrestleMania, ça c'est clair. Par contre, la question que je me demande, c'est est-ce que Taker va faire le saut à l'extérieur du ring qu'il fait habituellement à WrestleMania? Est-ce qu'il y en a encore capable à son âge? Ah, le fameux topé suicidaire, là, à l'extérieur. Ouais. C'est plus, possible, bon, l'interrogation, c'est plus ça. Oui, c'est vrai, ça c'est... Ce qui nous faisait à une époque, qui nous fait plus, c'est la descente de la cuisse sur la table des commentateurs. Il plaçait le catcheur sur la table des commentateurs et lui montait sur la troisième corde et sortait sa descente de la cuisse. Ça, c'était assez impressionnant. Vous pouvez retrouver cette image contre Austin au SummerSlam 98, par exemple. Si les tables sont encore vivantes, parce que c'est vrai que là, en fait, match... Oui, aussi, oui, c'est vrai. Mais match Shield aussi, les tables peuvent être pétées. Et je me demande d'ailleurs s'il va y avoir une table qui va rester debout quand on sera au main event. Mais bon. Il y aura une table française, comme les rumeurs le disent. Oui, c'est vrai, Christophe Agius et Philippe Chéreau seront donc en direct depuis. Ils seront présents dans l'arène, ouais, mais bon, après, je pense pas qu'il y aura une table, hein, ce serait quand même abusé. Tribune de commentateurs, parce qu'il y a une tribune de presse, évidemment. Celui-là, ça peut être le match du show. C'est vrai que j'ai déjà dit que ça pourrait être un show stealer, le Cena contre Wyatt, mais ce match-là, je dirais, c'est plus un... C'est un blockbuster. Ouais, voilà, c'est un blockbuster, celui-là. Celui-là, voilà. Je sens que ça va être peut-être l'avant-dernier match du show, mine de rien. Donc, on verra s'il y en a parmi vous, là, les auditeurs, qui y croyaient au miracle. Paul Heyman, qui peut avoir un impact. Mais qui sera énorme au bord du ring, on le sait. Comme d'hab. Mais on va passer à l'avant-dernier match, peut-être pas dans l'ordre, là, hein, c'est vrai qu'on les fait un petit peu dans l'ordre entre guillemets d'importance. Bon, qui est en relation avec le match qui suit, hein, en gros, ouais, on enchaîne. En gros, c'est ce fameux Daniel Bryan, Triple H. Le vainqueur, donc, s'infiltrera dans le Triple Threat match pour le titre WWE World Heavyweight entre Randy Orton et Batista, qui heureusement n'aura pas lieu qu'entre les deux, sinon ça aurait été... Mais qu'attendez-vous de ce match qui a été demandé à corps et à cri, et puis qui était prévu, à mon avis, il n'y a pas de souci avec ça. C'était là où il voulait en venir, on a beaucoup parlé à l'époque de AEW à l'époque où il frustrait à un moment le public avec Austin, mais finalement Austin quand même était sur la grande scène, et là je pense que Bryan aussi, ça me semble inévitable. En tout cas, pour moi il gagne contre Triple H à l'issue d'un gros combat, mais alors cette rivalité elle est quand même un peu partie aussi un peu en tous les sens. Il y a eu la diversion Kane, mais il y a toujours eu l'autorité, ça fait depuis SummerSlam que ça dure. Mine de rien, il est temps d'y mettre un point final et c'est l'occasion. Et Triple H, mais il livre toujours la sauce. Ouais, Triple H est toujours très bon en WrestleMania. Là, ça risque d'être un très bon match puisque Daniel Bryan lui arrive à bonifier les adversaires. Donc en plus, si Triple H vient en forme et que Daniel Bryan donne son maximum comme d'hab, ça risque d'être un très bon match. Maintenant, l'issue du match, là aussi, on la connaît pratiquement, hein, on est pratiquement sûr. On est pratiquement sûr que c'est... Vous voulez que je vous parle de Scooby-Doo? Je voulais juste dire qu'on est pratiquement sûr que c'est Daniel Bryan. Bon, si t'as envie de me parler de Scooby-Doo, vas-y, je t'en prie. Dans Scooby-Doo, le petit détail qui est quand même bizarre, qui m'a fait tiquer, mais qui, j'espère, ne va pas... Je sais ce que tu vas dire, mais vas-y. On ne le sait pas que le champion de la WWE est Triple H. Brousti, mon dieu. Le mec nous avait fait un teaser pour ça, en fait, c'est ça? C'était pour ça? C'était pour ça, oui. Il y a des bonnes surprises, des fois, hein, ou mauvaises. Oui, voilà, ouais. Non, mais ça, c'est le dessin animé. Ouais, ils ont mis Triple H. Bon, voilà, c'est pas. Tu peux pas te dire, ah, peut-être que Triple H deviendra champion parce qu'il est champion. Non, mais là, ce serait un troll massif. J'avoue, il démonte la salle. Mais par contre, Triple H perdant, mais pas perdant sur toute la ligne. Dans le match qui suit, il aura un rôle. Ouais, c'est possible qu'après, c'est possible qu'il intervienne après dans le main event. Il va pas rester assis. Bon, déjà. Bon, il peut être KO, évidemment, la running knee qu'on imagine à la fin du match. Mais déjà, ça va être un match, mais alors bourré d'interventions. Et puis en plus, avec un Bryan, évidemment, dans le rôle du David contre Goliath. Bourré d'interventions, enfin non, il va y avoir Stephanie qui va faire sa tigresse au bord du ring, je pense. Voilà, mais bon, non, je déconne, c'est sûr, c'est pas elle qui va faire vaciller Bryan non plus, faut pas déconner. Mais là, on a un Bryan qui est quand même... on attend avec quelques bandages, à mon avis. Il est un petit peu dans ce rôle-là de l'underdog suprême. En tout cas, il va y avoir toute la foule derrière Daniel Bryan, ça va être magnifique. Ah bah oui, là on attend une ça va être vraiment la magnifique. Pièce movement là sans précédent. Ça va être l'explosion totale, et puis comme tu disais, c'est vrai que ça remonte vraiment à très loin, parce que ça remonte au SummerSlam, même s'il y a eu une cassure après, hein, parce que Bryan, après, il y a eu cette histoire avec la Wyatt Family, oui. On l'avait un peu écarté, puis c'était Big Show qui avait pris un peu sa place dans cette histoire avec l'autorité. Mais et puis Bryan, je continue à le dire, mais c'est sûr, hein, il a remplacé vraiment CM Punk dans cette histoire, hein, parce que ça aurait dû être CM Punk Triple H, ça c'était clair. Mais bon, d'un côté, il y avait eu ce truc qui s'était passé au SummerSlam, donc ça tombe bien, c'est très bien fait, je suis content que Bryan soit là. Contre Triple H, ça risque d'être un très bon match. Et puis en plus, inédit aussi. Tu parlais de inédit pour le John Cena Bray Wyatt. Là aussi, c'est totalement inédit. Les deux se sont jamais croisés. Mais voilà, on s'attend encore à la victoire de Daniel Bryan. On est tous contents. Et par contre, voilà, niveau suspense, sur WrestleMania, comme on disait au début de podcast, c'est quand même pas très bon au niveau du suspense. Maintenant, elle peut nous surprendre, la WWE, mais moi, j'y crois pas trop. En tout cas, là, on n'a pas envie qu'elle nous surprenne. Alors, on a envie que ce soit Daniel Bryan. Ben oui, parce que le stade, à mon avis, là, ouais. Oh là là, oui. Il a résisté à l'ouragan Katrina à l'époque, mais là, je crois que. Non, c'est pas. Attention, c'est pas pour faire une blague, là. Ah, non, mais c'est que là, vraiment, ça pourrait gronder très fort, à mon avis. Ouais, c'est sûr, hein, c'est un divertissement. Mais attention, quand même, il faut pas aller trop loin dans la frustration de la foule. Il faut savoir s'arrêter au bon moment hein, aussi des fois. Voilà, c'est ça. On n'arrête pas de le dire que ça dure, ça revient, ouais. ça repart. C'est lancinant. Enfin, c'est bien, hein, ma foi. Une feud n'est pas censée non plus ne durer que 1 ou 2 mois. Hein, mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'on attend enfin un débouché. Là, on a notre débouché avec le match. Ah, pour moi, pas de doute, hein, ce sera la soirée de Daniel Bryan. Hein. On a été tellement frustrés depuis SummerSlam de ne pas voir Bryan pouvoir pleinement être champion que ce sera une soirée mémorable pour lui et pour tout le monde. À WrestleMania, je n'ose pas imaginer un seul instant que la WWE se prive d'un tel moment. J'imagine déjà le show se conclure sur une série de yes, yes, yes de la part de l'ensemble du public et avec Bryan qui célèbre au milieu. Enfin, c'est juste un moment formidable qu'on ne peut pas penser que la WWE se privera. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Daniel Bryan va battre Triple H et il va battre Batista et Orton dans le main event pour tel titre, hein, tout simplement. Ah oui, bon, toi, t'as franchi le pont, donc c'est normal. C'est pas le pont des soupirs cette fois-ci, j'espère. C'est le pont, ben ouais, vers le main event. Non. Non, mais ce match-là, à mon avis, ouais, il y aura des interventions, c'est impossible. Pourquoi pas Hogan aussi qui vient. Si Triple H veut intervenir et puis frapper Bryan, pourquoi pas Hogan qui met une petite droite à Triple H. Et puis pourquoi pas après Bryan qui célèbre avec Hogan à côté dans le ring, avec les yes. Les yes, ouais, ça peut être beau aussi, une sorte de passage de flambeau à WrestleMania 30 entre celui qui a construit les premiers WrestleMania et Daniel Bryan qui est enfin au sommet. En ayant battu ben, les deux gars qu'on n'avait pas envie de voir, hein, Orton, Batista en 1 contre 1, c'était juste impossible. Et finalement, ils ne le font pas. C'était pas possible. Donc, heureusement qu'ils ont trouvé cette idée de faire un triple threat, quel que soit le mec qui ira dans ce triple threat, même si on sait que c'est Bryan. Parce que c'est vrai que tout le monde s'en fout littéralement des deux, hein, malgré tout ce. Ah, enfin, oui. Ils ont quand même fait. Ils ont quand même une sacrée carrière, ça n'a rien à dire. Mais, ah mais non, non, bien sûr. Provoque l'indifférence totale. C'est. Enfin, il y en a un, c'est beaucoup plus gênant que l'autre, parce qu'encore Batista, lui, au moins, il attire des huées. C'était pas le but au départ, lui, pour le non, coup, je crois tout. Qu'il y a un changement, parce que voilà, le Batista a poussé la WWE à le rendre heel, alors qu'il était peut-être pas nécessairement destiné à être ça. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat. Il était très très vite, alors que Randy Orton, ben ouais, c'est sûr que ça fait plusieurs pay-per-views maintenant depuis SummerSlam, donc il achève toujours en champion dans le plus grand des silences. Même pas de huée. Donc c'est sûr qu'il peut pas être champion à nouveau comme ça, ce serait trop là. On peut pas avoir un silence de 80 000 personnes. Batista au moins il pourrait y avoir des huées, mais ce serait un troll majeur. Juste le truc qu'il faut noter, et ça c'est un fait historique, c'est que pratiquement tous les ans le WrestleMania se termine par la victoire d'un face. À part WrestleMania 27, mais WrestleMania 27 se termine en fait avec la célébration du Rock, quoi. Donc, le Miz avait gagné le match, mais c'est en fait le Rock était intervenu avec son Rock Bottom, puis après un People's Elbow, sur le Miz justement, qui est en train de célébrer, donc le Miz finit KO, et le Rock lève les bras. La dernière victoire d'un heel à WrestleMania, c'est WrestleMania 16, avec la victoire de Triple H dans un Fatal 4-Way, où il y avait Big Show, le Rock et Mick Foley. Donc c'est vraiment très très rare qu'un heel remporte finisse WrestleMania en tout cas en célébrant, et là WrestleMania 30 je le vois pas quoi. Oui, Pour non. le 30e je le vois clairement pas. Et puis Oui, en oui. plus là Après, il Daniel y a Bryan est toujours le hyper petit over quoi. pourcentage, mais sachant que oui, voilà. Oui. Sachant que avant dans le show, il y a la possibilité de au moins une ou deux victoires heel, donc voilà. Puis en plus Daniel Bryan n'est pas un face comme les autres, c'est pas un face basique là, ça a pris une ampleur le Yes Movement de Daniel Bryan. Que non, c'est juste pas possible ça. Ils vont terminer en trombe avec les feux d'artifice et Daniel Bryan avec les deux ceintures, avec tout le monde qui va faire yes. C'est juste magique cette image-là. On l'attend, hein. On l'attend. Ouais. Clairement. Yes, yes, yes, yes, yes. C'est un échauffement hein, pour la fin. Mais bon, on espère quand même. Enfin, j'espère en tout cas que pour vous, la majorité, vous le verrez en live. Ce sera quand même bien. C'est toujours un grand moment. Donc voilà, vous voyez donc le happy end à la fin avec donc déchaînement de confettis et de pyro. Surtout qu'il faut prévoir aussi le Raw du lendemain, qui est en général le plus gros Raw de l'année. Et Ben oui, j'imagine qu'ils vont parce qu'il y a très toujours la certainement colonie commenter le show. étrangère. Ils vont certainement commenter le show sur la célébration de Bryan. Et c'est vraiment le meilleur moyen possible pour ouvrir ce Raw-là. Hein. Eh Ah, oui, tout à fait. tant qu'il nous lance pas la fin d'Angoing, tout va bien. Faut se rappeler qu'il avait été lancé par les Anglais, qui avaient été fous là au Raw du lendemain. Il avait battu Jericho la veille. Ouais. Merci. Mais sinon, est-ce que vous voyez éventuellement d'autres matchs rajoutés? Là, on en a 8, en général, il y en a 10, hein, dans sa manière. Même s'il y en a plusieurs qui vont durer 20 minutes. Hein. Non, je t'avoue que là tout de suite, j'ai pas d'idée vraiment, surtout que je vois plus qui est-ce qui reste dans le roster et qui serait Christian, disponible. Christian, Christian. Non, mais je Non, déconne. Mais Tetsuji Yoshitatsu, alors. Ah bah oui, un petit vieux Tatsu des TG à WrestleMania, ouais. On Oui. y croit. Eh oui. Moi, je veux voir Jack Roberts contre Ultimate Warrior contre Razor Ramon en triple threat match arbitré par DDP. Ouais, si tu veux surtout voir DDP faire un speech et puis faire son Diamond Cutter à quelqu'un. Ouais, n'importe qui, tant qu'il y a le Diamond Cutter. Oui, voilà. Oui. C'est vrai qu'il y a toujours cette présentation au moment des Hall of Famer, mais bon, elle est toujours très stage et puis très rapide. Ah oui, par Howard Finkel, ouais, exact. Oui, sur la Ah, rampe j'allais d'entrée. dire encore. Ben oui, mais la rampe, j'hésite à le dire parce que cette rampe, elle est. Alors, sur le début du début du début de la rampe d'entrée. Ouais, voilà, Où il y sur a le le panneau décor. d'entrée, quoi. Voilà, à l'endroit où est Kevin Rudolph qui va interpréter un Oh thème. putain, pff, Kevin Rudolph. Je déconne, c'est dédicace à Vintage Wessels, c'est un teaser pour que vous l'écoutiez si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce qui serait normal après tout, parce qu'il n'a pas non plus été partagé. Y a pas le Honky Tonk Man, Bruce Lee, qui vient faire son concert à WrestleMania 30? Oh là là. Ouais. Ouais. Mais Teaser. pour moi, les deux matchs de Bryan s'enchaînent pour le rendre folie, parce que de toute façon, le gars, il a déjà fait de très nombreux gros matchs d'une heure dans sa carrière indépendante, donc il a pas peur. Et puis la WWE l'a déjà testé sur des matchs, plusieurs matchs dans un même show weekly. Je me rappelle notamment, il avait déjà assuré par exemple les 30 premières minutes avec deux gros matchs de SmackDown. Il avait fait aussi ça à Raw. Il est coutumier du genre, il est formé à ça. Puis même pas par WWE, par circuit indépendant déjà avant. Donc niveau qualité déjà ce serait ça. Et puis ouais, ça peut durer facilement 40 minutes cette séquence. Brian. Même si Orton et Batista sont pas des grands matcheurs, c'est sûr. Mais bon, ça peut durer, y a pas de souci à ça. Non, voilà, parce que le show mine de rien dure 4 heures, hein. Puis après Undertaker va prendre son temps aussi pour rentrer. Ah ouais. Moi j'ai une demi-heure d'entrée donc voilà. Attention, hein, par rapport à un peu au traditionnel, là il dure 4 heures, hein, faut bien Bray préciser. Wyatt n'est pas le plus rapide à rentrer aussi, hein, dans son genre. Oui, non, mais les entrées, on le sait quand même, là, non, elles sont pas coupées en cours de route, voilà. Quand même, faut pas déconner. Par contre, le Battle Royale, non, au début, ça va être un petit peu fastidieux, donc à mon avis, il y aura déjà des gars sur le ring, parce que sinon, ça sort Ouais, plus. les moins intéressants à mon avis. Mais voilà, bon, ben, n'hésitez pas à réagir, et de toute façon, sur les différentes théories qu'on a faites, et puis sur vos pronostics, si vous n'êtes pas d'accord sur certains avis, et puis surtout que ce soit pas le même scénario qu'à Scooby-Doo, c'est surtout ça. Y a qui d'autre dans Scooby-Doo? Bon, il y a John Cena, il y a Santino, Même Brodus Clay, Sin Cara. j'ai vu des faits saillants, comme qu'il y a. Ouais, parce qu'on parle en français cette fois-ci, ouais. On va pas dire highlights. Si, on l'a dit. Mais, mais voilà, bon, bah, on va passer, bah, si vous avez, non, rien à rajouter. C'est bon pour moi. Pour et moi c'est des partenaires que FN Lutte, Voxcatch, où il y a des WrestleMania Moments, n'hésitez pas à proposer d'ailleurs, parce que bon, mine de rien, mais ce podcast, sort 9 jours avant WrestleMania, donc il y a encore le temps. Des Vox classiques aussi sur tout le Hall of Famer, il y a déjà deux qui sont parus, ben, ensuite les autres seront faits aussi. Plus ou moins long, parce qu'il y a certains qui n'ont pas non plus une longue carrière à WWE, voire pas du tout. Révolte, la radio de Kevin. La Well. La Wrestling Evolution League, oui, qui organisera aussi son WrestleMania avec des affiches qui seront pas les mêmes, je pense, mais qui ne manqueront pas d'intérêt, ça c'est sûr. Donc à suivre. Pikachu Stadium, évidemment, avec Showtime, sera avec nous pour l'analyse de WrestleMania, qui sera en direct le 10 avril à 21h. Et sinon, Instant Catch, c'est toujours bien de faire un coucou à Vincent. Le site Wrestling Original, bah, qui va quand même être cité quand même beaucoup plus régulièrement, ce sera bien normal. Et ben, normalement j'ai rien oublié parce que sinon ben, vous pouvez nous suivre sur Facebook Wessus Radio entre parenthèses officielles, sur Twitter @WessusRadio, nous écouter sur YouTube archive.org, iTunes avec MP qui a fait la remise à jour la dernière fois, donc tout y est. Et vous pouvez nous écrire à wessusradio@gmail.com, tout en minuscule, tout attaché. Je devrais l'enregistrer, ça, à force. on va vous souhaiter un excellent WrestleMania. Et je sais pas s'il faut le dire ou non, un bon WrestleMania 6. Non, je déconne. Un très bon Vintage Wrestles, en tout cas, on espère. Un WrestleMania quand même historique, WrestleMania 6, avec le Main Event Ultimate Warrior, Kogan. Légendaire. Légendaire. Si, sérieusement. Donc sortira lundi soir à 20h, et sinon ben vous pourrez nous écouter donc en live, n'hésitera pas à communiquer, et avec vos réactions qu'on espère nombreuses au lendemain de WrestleMania, enfin les 3 jours qui suivent au moins. Ben on espère que vous avez apprécié ce numéro, et n'hésitez pas à réagir à toutes nos prédictions. Et on vous dit soit lundi avec une équipe, avec Gus cette fois-ci qui a remplacé Bastien. Et sinon, bah, avec une équipe nombreuse pour l'analyse de WrestleMania, qui sera le gros podcast aussi de l'année, malgré que chaque podcast est gros. Une petite surprise dans les cartons, je vous en dis pas plus, mais c'est en très bonne voie. Oui, voilà. On attend une officialisation. C'est comme la signature de Messi à Monaco, de Cristiano Ronaldo au PSG. Ou l'inverse. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end, et puis on espère que votre semaine sera excellent. Normalement, il y a les ingrédients pour. À la prochaine, et puis portez-vous bien. À ciao. Salut les amis. Ciao.